Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard avant, réponse C. Les feux de brouillard arrière, réponse D.